Exercice 5. Ce soir, grand concert sur la place de la mairie. Des chanteurs français, anglais et italiens sont au rendez-vous. Pour gagner des billets pour rencontrer les artistes, téléphonez au 01 46 79 02 84. La météo n'est pas au rendez-vous, de la pluie est annoncée. N'oubliez pas votre parapluie.